Pas de ci, pas de là, pas de porno. Pas de filles, pas de drogue, pas de gangster. Pas de rire, pas de larmes, pas de sphinxter. Pas de cris, pas de viol, pas de bus là. Pas de fruits, pas de gens manipulés. Pas de polémiques, ça va autant. Pas de gens qui trompent.